archi long. Archi bien. Archi beau. Archi radio. Archi doux. Archi cool. La radio du festival Archipel. Archi chouette. En direct. De 10h à midi. Archi nul. Sur Archipel. Archi fort. Archigrand.org. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On est de nouveau là avec Archi Radio au festival Archipel, festival de croisement des musiques contemporaines, en direct depuis la maison communale de Plainpalais. C'est le deuxième jour du festival. Et aujourd'hui, on est avec Sixto et Mariachi qui viennent... Comme invités du jour, on aura l'honneur de les entendre discuter ensemble dans une petite quart d'heure. Donc salut Sixto, salut Mariachi. Hello. Hello. Allô, allô. Donc le festival a ouvert hier avec une première performance de Katie Van Eyck à l'extérieur du bâtiment, de la maison, dans les rues de Genève avec deux haut-parleurs où il a diffusé des sons interdits dans les villes. J'ai trouvé très, très intéressant la réaction des Genevois qu'ils n'avaient pas de code de compréhension de ce qui se passait. C'était assez intriguant comme situation. Et Simon est allé enregistrer pour faire une capsule qui résume un peu cette journée d'hier et cette performance. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Bah, pour cette deuxième capsule, en fait, c'est toujours ce système de collage un petit peu. Donc au début, on va entendre un petit bruit d'horloge, c'est l'horloge de Archi Radio. Puis petit à petit, on sort de l'espace radio, on va dans le hall, puis ensuite on est carrément dehors avec Katie Van Eyck. Et je crois que j'ai un peu retenu le tuto Sonic d'hier, parce que du coup j'ai enregistré un enregistrement. Enfin, voilà, je me suis un peu amusé avec ça et voilà. Je vous laisse écouter. Thank you. sonore d'une artiste belge qui s'appelle Cathy Van Eyck. Elle a fait un tour de. Elle a enregistré de quel quartier et elle a enregistré des sons. D'accord, merci beaucoup. Ouverture de Cathy à la coupette du commun. Merci Simon pour ce petit résumé sonore de la journée d'hier. Toujours très rafraîchissant. Hein. Donc on est heureux que les toutes soniques de Jérémy fonctionnent, donc, même dans leur non-fonctionnalité. Et comme on vous le disait tout à l'heure, aujourd'hui on est avec Mariachi, qui est notre invité du jour, et Sixto, qui va l'interviewer. Mais on va aussi découvrir un documentaire autour de l'installation Ambisonic. Dans laquelle Nina va performer. C'est bien ce soir ? Non, c'est demain. Hein. Non, c'est ce soir. Ah, c'est ce soir, oui. Ouais. À 21h après Antoine Lang. Ah oui, c'est ça. Oui. Grande programmation aujourd'hui au festival. On en parlera à la fin de l'émission. Et puis sinon, il y a aujourd'hui, donc, comme hier, Jérémy avec son tuto sonique. On aura un invité mystère et une intervieweuse mystère en fin d'émission aussi. Et puis, évidemment, le livre du jour avec Vincent de Roguin et Doris. Tout à fait. D'ailleurs, Doris arrive aujourd'hui et peut-être qu'on la croisera dans l'émission qui nous dira quelques mots, fraîchement sortie de l'avion venant de Bruxelles. Exactement. On aura aussi, comme d'habitude, cette fois en direct, les objets sonores avec Patrick Caillé et Jérôme Poré à la fin d'émission avant midi. Et surtout, notre son mystère à deviner à 11h10 pour gagner une place de concert pour le soir. Et donc, on vous propose d'écouter le son mystère tout de suite, sachant que vous pouvez appeler à 11h10 au 078 24 45 754. Je l'ai dit un peu à l'envers. 078 244 57 54. Voilà, on l'écoute tout de suite. Donc c'est un son qui t'a été envoyé par Xavier Laborel, qui est ingénieur du son pour le cinéma. Et voilà. Donc ce son que vous pourrez aussi l'écouter à l'infini sur la page de la radio jusqu'à 11h10. Oui, sur le site d'Archipel. Sur le site d'Archipel, sous l'onglet d'Archiradio. Et donc à 11h10, appelez ce numéro 078 244 57 54 qu'il y a aussi sur la page internet pour pouvoir gagner un ticket pour quel concert d'ailleurs ? Est-ce que c'est le concert de Mariachi ? C'est Antoine Lang et Mariachi à 21h, donc double concert. C'est la fête. Et c'est la fête. Et juste avant, il y aura probablement, on a techniquement la possibilité de se connecter avec le salon d'écoute à nous. Si tout va bien. Si tout va bien, à midi. Donc, à midi et 1h, on aura le partage d'écoute fait par Cathy Lane depuis le salon d'écoute.